apprends tes tambours. Laissez-moi aimer. Oui, moi besoin, ou besoin moi. Et là, nous a dit la vie qu'a vivé. Moi, c'est bon, moi, tranquillité, pas prendre tes tambours. Laissez-moi aimer. En cas content, hein? Parce que c'est l'amour qui a dans hier, qui a fait moi confiance, bon moi en l'offense, c'est parce moi content que moi qu'a dit ça. Pas arrêter, dis-moi, chaque fois au téléphone. Dis-moi, qu'est-ce que moi ou à mes. Yeah. Qui m'avait sorti.